Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 102. Du respect. Objet du respect, sa nature, il cède le pas à la piété filiale sous laquelle il est compris. 1. Le respect est-il une vertu spéciale? Si Cicéron rangeait le respect parmi les autres parties de la justice qui sont des vertus spéciales, il faut nécessairement distinguer les vertus par degrés descendants, à mesure que s'abaisse l'excellence des personnes auxquelles on doit quelque chose. Or, de même que le Père selon la chair participe à la nature du principe qui est Dieu même, de même, la personne qui est chargée de prendre soin de nous sous quelque rapport participe à la qualité de Père, en tant que, par la dignité dont elle est investie, elle est, comme le propre Père, un principe de gouvernement et de direction relativement à des choses déterminées, telles sont, le prince, dans les rapports civils, le chef d'armée, dans la guerre, nos maîtres, dans l'enseignement, et ainsi des autres. Aussi ces personnes reçoivent-elles, à cause de la similitude des soins, le nom de père. Pour cette raison, de même que, sous la religion, par laquelle on rend le culte et l'adoration à Dieu, se trouve la piété filiale qui honore les parents, de même, sous la piété filiale, se trouve le respect qui honore et révère les personnes constituées en dignité. Note. Les hommages rendus à l'excellence du savoir et de la sainteté, qualité qui confère l'aptitude à recevoir les dignités, reviennent à la vertu du respect. Fin de la note. 2. Le respect a-t-il pour objet de rendre le culte et l'honneur aux hommes élevés en dignité? Le respect, a dit Cicéron, est une vertu par laquelle on rend une sorte de culte et d'honneur aux hommes revêtus de dignité. On leur doit, en effet, l'honneur, comme une reconnaissance de leur supériorité, et le culte ou le dévouement, en récompense de leurs bienfaits. Note. Rendez à tout ce qui leur est dû, à qui le tribut, à qui le subside, le subside, à qui la crainte, à qui l'honneur. Romains 13, 7. Obéissez à vos chefs et soyez leur soumis. Hébreux 13, 17. Fin de la note. 3. Le respect est-il une vertu supérieure à la piété filiale? La piété filiale, qui vient immédiatement après les préceptes compris dans la première table, rend un culte à des personnes qui nous sont unies intimement et auxquelles nous avons des obligations étroites. Elle revendique, à ce titre, la prééminence sur le respect. La naissance et l'éducation qui nous viennent de nos parents touchent de plus près à notre substance que le gouvernement extérieur, dont les dignitaires sont le principe. Note. La piété filiale honore les dignitaires de l'État par rapport au bien public, car elle a pour objet le père et la patrie, le respect les honore pour leur bien personnel. Observons que l'honneur et le culte devant se mesurer, non seulement sur l'excellence de la personne qui les reçoit, mais encore sur ses rapports avec celle qui en paie le tribut. Les enfants sont obligés d'honorer leurs parents plus que les hommes vertueux, à raison des liens naturels et des biens reçus. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.